Tonton l'a dit, n'tavait nassé l'ondo. Nazre y se passe. Nassera, assera. Nassera, assera. Yala Dalila, Sini Kene Yala. Ma Willy Lan Lulu, c'est qu'elle fait. Neye Salila, Kala Deli. Tunya na folo ni nabi, na folo barikama. EKF, la vieille va bien. Nye bara ou bara, lela ni mana fen soro. Kana la tamaka. Kana bolo babara mi senchamana. Yeah. Na segeni na nyani nebi. Zimana kenye ni na te segesa. Ei ngana wa maura mekuo. Ei na zipe kajeo. Ei nyagore. Asta Koulibaly, ma sorona de Rocky. Korotumu. Manjo, Marie Michel, la mère. Ah, eh, eh. Sewa se kenadeo. Bo sewa se kenadeo. Eh, ike sewa. Konyere se aluku na nyakwa fu. Alassane Soumano, cette chanson est à toi. Les deux plateaux. Salut à nous, ça va et nous mieux. Thank you.